bien dit de comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique, croire, avoir raison. Si vous voulez qu'un homme doit avoir raison, toujours pour vous. Même si je vous mets en garde pour ça, ça ne vous empêche pas de vous dire. Vous avez totalement senti. Et vous avez, après avoir été trouvé dans votre propre sensibilité, à ce moment-là, vous deviendrez un vulnérable. Et vous deviendrez. Un jour deviendra rileste e degrade va tre. E i prestanti, gradir di zoo, e i precapati, se fatti alle testeranti. Sans obstacle. Deux, non, un nom. C'est donc votre melon. Et pour le santé, je voudrais dire, je vais la capacité. Mettre par qui à volonté, je vous disais. Les actions que vous commettez dans cette partie seront totalement libres. De l'effet thermique. Parce que l'union entre l'âme et votre ego sera totale. Et que vos actions seront déterminées selon cette union, et non selon le rapport émotionnel entre cette réalité et votre ego. De sorte que vous serez des agents libres, et non des hommes aussi dans un des pratiques. Il coïncide avec l'effort pratique. Des fois, le mien, de dominer l'évolution du monde, afin que l'homme ait de l'espoir de connaître son origine et de travailler avec des forces. C'est la mienne. Toute forme de sujet, toute forme, quelque raison, est un système de cette humanité, et surtout à l'infini. Les aspects les plus réparbatifs de votre personnalité, de vos sentiments, seront ceux qui seront nettoyés au cours de votre évolution. Il ne s'agit pas que vous soyez en relation harmonieuse avec ma personne. Il s'agit que vous soyez en relation harmonieuse avec la vibration de la personne. Car c'est la vibration de la personne exprimée à travers mon esprit qui vous ouvrira les portes, qui vous donnera des clés, qui vous restera profond du vivant. Et vous

я там найти кто-то. Que l'homme puisse, entrer en communication avec les âmes, il doit d'abord être en communication avec son propre esprit. Parce qu'un homme connaît un homme au monde, sans connaître son propre esprit, que devient esclave de l'âme. Comme je disais, c'est Jésus, l'homme doit être un homme libre. Il ne doit pas être esclave. Il doit jamais être dominé, mais doit partager avec les autres hommes. Ça n'est une essence. Pas dans le même. Cette essence est la conscience universelle, le supramental, la conscience sociale. C'est bon. Ça vient avec. Si les amants sont dans le dialogue, nos vibrations changent. Et si vos vibrations changent, si vos vibrations changent. Et si le sang grandit, si elle s'habille, je ne t'appelle pas.